Le lendemain, 5 décembre, dès 5h du matin, tous trois étaient sur pied. Ce jour-là devait être le dernier de leur voyage, si les calculs étaient exacts. Le soir même, à minuit, dans 18h, au moment précis de la pleine lune, ils atteindraient son disque resplendissant. Le prochain minuit verrait s'achever ce voyage, le plus extraordinaire des temps anciens et modernes. Aussi, dès le matin, à travers les hublots, argentés par ses rayons, ils saluèrent l'astre des nuits d'un confiant et joyeux hurrah. La lune s'avançait, majestueusement, sur le firmament étoilé. Encore quelques degrés, et elle atteindrait le point précis de l'espace où devait s'opérer sa rencontre avec le projectile. D'après ses propres observations, Barbicane calcula qu'il accosterait par son hémisphère nord, là où s'étendent d'immenses plaines, où les montagnes sont rares. Circonstances favorables, si l'atmosphère lunaire, comme on le pensait, était emmagasinée, dans les fonds seulement. D'ailleurs, fit observer Michel Ardan, une plaine est plutôt un lieu de débarquement qu'une montagne. De plus, ajouta le capitaine Nicholl, sur un terrain plat, le projectile demeurera immobile dès qu'il l'aura touché. Sur une pente, au contraire, il roulerait comme une avalanche, et n'étant point écureuil, nous n'en sortirons pas sains et saufs. Donc, tout est pour le mieux. La direction du projectile vers l'hémisphère nord de la Lune prouvait que sa trajectoire avait été légèrement modifiée. Le tir, mathématiquement calculé, devait porter le boulet au centre même du disque lunaire. S'il n'y arrivait pas, c'est qu'il y avait eu déviation. Qui l'avait produite? Barbicane ne pouvait l'imaginer ni déterminer l'importance de cette déviation, car les points de repère manquaient. Il espérait pourtant qu'elle n'aurait d'autre résultat que de le ramener vers le bord supérieur de la Lune, région plus propice à l'atterrage. Cependant, les voyageurs, s'y rapprochaient de leur but, ne cessaient plus d'observer ce monde nouveau. Leur imagination allait promener à travers ces contrées inconnues. Cette dernière journée leur laissa des souvenirs palpitants. Ils en notèrent les moindres détails. Cependant, en dépit de ses préoccupations, Michel Ardan n'oublia pas de préparer le repas du matin avec sa ponctualité habituelle, si bien que les voyageurs, imitant le digne Maston, progressivement engraissaient. Au cours du repas, « Ce que je regrette, dit Michel, c'est de ne pouvoir faire une promenade à l'extérieur. Quelle volupté de flotter au milieu de ce radieux éther, de se baigner, de se rouler dans ces purs rayons de soleil. Si Barbicane avait seulement pensé à se munir d'un appareil de scaphandre et d'une pompe à air, je me serais aventuré au dehors et j'aurais pris des attitudes de chimère et d'hypogriffe sur le sommet du projectile. « Eh bien, mon vieux Michel, répondit Barbicane, tu n'aurais pas fait longtemps l'hypogriffe, car, malgré ton habit de scaphandre, gonflé sous l'expansion de l'air contenu en toi, tu aurais éclaté comme un obus, ou plutôt comme un ballon qui s'élève trop haut dans l'air. Donc, ne regrette rien et n'oublie pas ceci. Tant que nous flotterons dans le vide, il faut interdire toute promenade sentimentale hors du projectile. » Michel Ardan se laissa convaincre dans une certaine mesure. Il convint que la chose était difficile, mais non pas impossible, mot qu'il ne prononçait jamais.